Guillaume, tu te réveilles en sentant une coulisse qui te coule le long de la cuisse. Ah! Ah! Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Paladin niveau 66. Archimage 55. Ok. Vous avez continué à jouer toutes les semaines depuis 15 ans. Soyez prêts pour hyperatomique exponentielle. Scotty, il me faut la puissance maximum. Bonjour à tous et bienvenue à Puissance maximale sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec, votre émission d'intérêt ludique. Alors, c'est une autre émission en compagnie de l'équipe de Puissance maximale, une autre émission chargée. On va commencer un petit tour de table avec Andrew Castegan. De quoi tu vas nous parler cette semaine, Andrew? Premièrement, bonjour à tous. Salut. Je vais vous parler du petit dernier Kirby qui est sorti sur la Wii, Kirby Return to Dreamland. Excellent. Guillaume, de quoi... Alors, on va tous vous parler du même sujet ensemble, les trois, mais c'est toi qui as amené ça sur la table la semaine dernière. Oui, au fait, la semaine passée, je suis supposé de parler de Skyrim, le nouveau Elder Scroll. Vous avez décidé d'embarquer avec moi dans la conversation, donc on va essayer de faire une émission qui n'est pas juste là-dessus. On serait capable facilement de passer l'heure, facilement. Mais on va vous donner d'autres chroniques, d'autres nouvelles à travers de ça. Excellent. Moi, de mon côté, je vais vous parler d'un jeu de plateau qui s'appelle Order of the Stick. Dungeon of Dorukan, et qui est basé sur un webcomic. Et on va faire, si on a le temps, un petit peu de nouvelles ludiques. On va commencer en musique, mon cher Guillaume, avec quelle chanson? Oui, on va y aller avec une chanson des Lost Finger, une chanson choisie par toi-même, à travers le choix musical qui nous offrait. Ben oui, Lost Finger, groupe de Québec, on connaît tous, qui a sorti quelques albums maintenant, mais je pense que celui-là, c'est de leur premier... Le premier album, si je me souviens bien, et bien sûr, une chanson reprise, et on va y aller avec la chanson Touch Me. Vous êtes à CKIA FM, vous écoutez Puissance maximale. Your heart's beat next to mine. Touch me. now. Touch me, touch me now. Touch me, touch me now. Decide between pleasure and pain. Like a tramp in the night, I was begging for you to treat my body like you wanted to. Touch me, touch me. I want to feel your body, your heart beat next to mine. Touch me, touch me. I want to feel your body, your heart. Alors bonjour tout le monde, ici Bonhomme Carnaval. Vous écoutez Puissance Maximale, installez-vous à vos jeux et soyez comme moi, le meilleur dans ce que vous faites. Et on est de retour à Puissance Maximale sur les ondes de CKIA FM 88.3. Et on va y aller avec Andrew avec une critique de Kirby, le nouveau titre de Kirby sur la Wii. Oui, en fait, on se rappellera lors d'une émission passée de Puissance Maximale, j'avais parlé du dernier jeu de Kirby que j'ai un blanc de mémoire, mais mais c'était un excellent jeu Kirby que j'avais fait la critique en disant que c'était pas classique, mais ça apportait un petit twist et tout le kit. Nintendo a décidé là de retourner vraiment aux souches là, de Kirby comme on l'avait au temps du Nintendo ordinaire, donc la bonne vieille petite boule rose qui mange tout sur son passage. Donc on reste dans le classique. Je dirais on est retourné vraiment aux sources avec ce Kirby-là parce que dans le fond, on se rappellera que dans le fond, après le chapitre Super Nintendo, il avait essayé de faire un peu des Kirby à toutes les sauces. On a eu le droit à un Kirby de jeu de course, on a eu le droit à un chapitre au 64 qui était ma foi très plate, et d'autres variantes qu'il y avait eu par la suite, et des remakes à profusion des vieux jeux dans le temps du Super Nintendo. Ils ont vraiment essayé de profiter du maximum de qu'est-ce qui était du personnage, puis dans le fond, comme tu dis, étirer la sauce pour aller chercher plus d'argent. Ben, dans le fond, apprécier le citron, pour utiliser l'expression. Donc évidemment, Kirby étant un personnage quand même très important de la famille des personnages de Nintendo, ben Nintendo ont décidé de vraiment retourner aux sources, faire une aventure là, comme on retrouvait à l'époque du Nintendo. Donc vraiment jeu side-scrolling de plateforme qui généralement pas très très dur. Kirby, ça a jamais été la difficulté, leur objectif dans les jeux, mais quand même fort sympathique pour toute la famille. Un jeune de 6 ans va avoir autant de plaisir qu'un adulte comme moi de 23 ans à jouer à ce jeu-là. On retrouve en fait tous les pouvoirs d'antan. On retrouve l'épée, le rayon électrique, la glace, le feu. Donc il n'y a pas eu vraiment d'oublier au niveau des pouvoirs populaires. C'est qu'on y va vraiment avec un classique. Tu nous parles de Kirby, mais est-ce qu'un scénario, des fois on a dans les jeux de Sonic, de Mario et toutes ces mascottes-là du jeu vidéo, il y a quand même un scénario là à ces jeux-là. Est-ce que Kirby, on a quelque chose, un contexte là, pourquoi Kirby est là? Ben en fait, Kirby à la base, même dans le temps du Nintendo, ben Kirby sauve Dreamland. Fait que tu sais, c'est pas mal la même chose. Ils ont pas changé la recette gagnante dans le fond. Non, c'est ça. Sauf que la seule chose dans le fond, c'est qu'est-ce qui menace Dreamland qui est différent. Là, on parle dans le fond d'un vaisseau spatial intergalactique à la sauce Mario Galaxy qui marche, qui est tombé dans le monde de Kirby en faisant des failles temporelles, en emmenant des monstres inhabituels dans le monde de Kirby, puis que ça le menace. Ben là, dans le fond, Kirby est là pour sauver la donne et sauver le monde. La seule chose, dans le fond, qu'on rajoutait de différent au classique, c'est que là, on peut jouer à 4 à Kirby. Dans le fond, un peu comme New Super Mario Bros. Là, qui ont fait là, sur la Wii, où on peut jouer à 4, où il y avait Mario, Luigi, les deux Toads. Sauf que là, dans le fond, c'est Kirby qui s'allie avec King Dedede, qui est l'espèce de gros méchant, dans le fond, qu'il y a normalement dans Kirby avec son gros marteau, qui est quand même très populaire. Un genre de pingouin. Ouais, c'est un genre de pingouin. Je suis pas certain si c'en est un, mais c'est, je crois que un c'est volatile ça. Un volatile avec un gros marteau. Exactement. Puis Wumble Dee, qui est un des ennemis de base de Kirby, sauf que t'es qui est habillé un peu en pirate pour qu'on soit capable de le différencier des autres. Et le fameux Meta Knight, qui est le Kirby bleu avec un masque très charismatique, qui personnellement, je trouve que c'est le plus hot, mais qu'on peut pas jouer avec quand qu'on est player 1. Déception. Mais c'est la petite twist qu'ils ont rajouté. On peut faire des choses coop. Il y a des pouvoirs, dans le fond. Comme je disais, on a des pouvoirs classiques. Aussi, une autre chose qui a été rajoutée, quand Kirby aspire les ennemis, si on shake la manette, il va aspirer plus fort. Fait que les ennemis plus gros ou les blocs plus gros vont être aspirés par Kirby. Qu'est-ce qu'il peut faire en sorte qu'il est plus fort? Comme exemple, le pouvoir épée. Il y a le pouvoir épée normal qu'on reconnaît de Kirby, où il y a un petit chapeau à la Link avec son épée, puis qui a de se battre. Ben, il y a le format super épée où il porte une armure et que l'épée fait l'écran, et quand on donne un coup, ben, ça détruit tout ce qu'il y a à l'écran, puis que ça dure un certain moment. Là. Tu me parles du mode coop, là, ça ressemble un peu à ce que justement le mode qui était sorti avec le titre Super Mario pour la Wii. Là. Identique. On peut aussi se faire des coups chiens là, pendant qu'on joue entre joueurs. C'est pas juste du coop. Là. Non, c'est ça. Ben, t'es, okay. Quand Kirby aspire, c'est King Dedede est dans le coin, ben, juste tout bad. Bad, ouais, c'est bon. Il se fait aspirer. Mais t'es, la seule chose, c'est que les alliés n'auront pas de dégâts tant qu'on les lancera pas dans des pics ou si on les lance pas sur des ennemis. Là. Mais t'es, ils perdront pas leur pouvoir, des choses comme ça. T'es, c'est vraiment juste qu'à être dans le cas qu'il y a une tomate de maximum health à l'autre bout, puis qu'on est Kirby, puis on va aller la chercher, ben, on aspire ses adversaires, puis on va chercher la tomate, puis après ça, on les relance. T'es, des genres de petites affaires de même. Mais t'es, c'est quand même un jeu assez complet. Là, t'es, on retrouve là, vraiment toute l'ambiance de Kirby. Par contre, comme je dis, ça n'a jamais été difficile. J'ai joué à peu près 4 heures, puis je dois être rendu à peu près à 50% du jeu. Fait que t'es, c'est quand même, ma foi, très facile. C'est pas long à passer. Mais l'aspect multijoueur amène quand même une bonne rejouabilité. Ils ont-tu vraiment innové comparé aux autres? Ils ont-tu rajouté de quoi vraiment de nouveau qui fait comme wow, ils se démarquent beaucoup comparé à part que le fait que c'est sur la Wii? Bon, ben, en fait, c'est le mode multijoueur là, qui va venir rajouter. Là, parce qu'en fait, le principe de multijoueur avait été intégré avec le dernier volet qu'il y avait eu au Super Nintendo où on pouvait être deux dans le fond. Ben, dans celui-là, ils ont mis ça à quatre, mais vraiment avec des personnages. Différents, et chacun avec leurs facultés, comme King Dedede a toujours un marteau. Fait que lui-même, s'il avale des ennemis ou des choses comme ça, ça change rien. Lui, il a pouvoir marteau all the way. Là. Par rapport au visuel, est-ce qu'on a quelque chose? Parce que je sais que moi, personnellement, mes expériences de Wii, surtout avec une télé à haute définition, j'ai toujours été déçu visuellement des jeux. Est-ce qu'on là, on a quelque chose qui se démarque? Est-ce qu'on a quelque chose de beau là, avec eux? Ben, ça reste quand même très cartoonesque. Ça va être dans les styles graphiques. Que Mario va nous offrir. Mais t'es, mettons qu'on regarde un comparatif, t'es, mettons on prend un exemple, Mario Party 8 sur la Wii, t'es, on a vraiment un graphique décevant, généralement très pixelisé. Kirby en format HD, t'es, c'est pas aussi éblouissant qu'un Metal Gear ou quelque chose comme ça. Sur un Play 3, mais y a pas, on voit pas de pixels tant que ça à l'écran. Il y a quand même un beau fini visuel. Ouais, c'est ça. Pour la Wii, c'est un beau fini. C'est ça. Okay. Pour la Wii, ça a un beau visuel, mais t'es, c'est pas le jeu le plus beau qu'il y a sur la Wii actuellement, mais tu sais, c'est dans le standard du marché au niveau des jeux là, de Mario et compagnie. Là. Fait que c'est quand même très bien à ce niveau-là. Là. Alors, pour ce titre-là, on s'attend à payer combien en magasin, cher Andrew? En fait, ça reste quand même un des titres dispendieux, puisque c'est vraiment un titre fort de Nintendo. C'est une nouveauté aussi. Il faut s'attendre à 49 à peu approximativement, là, dans la plus haute strate de prix là, des jeux de Wii. Par contre, je dirais que si on veut faire un cadeau de Noël pour la famille, et puis faire plaisir à tout le monde, c'est un jeu qui vaut la peine. Mais si, en tant que tel, c'est un jeu qu'on veut juste acheter pour se divertir, peut-être plus attendre que le prix baisse parce qu'il est pas long. Ou aller en location pour s'amuser un peu. Mais tu sais, si vraiment on est une famille qui aime ça, jouer les soirs de week-end ou tout ça, en fait, tout le monde ensemble, c'est un jeu qui est très agréable à jouer, comme New Super Mario Bros. L'a été. Donc, c'est quand même recommandé là, pour les petites familles. Excellent. Donc, Andrew, tu nous parlais du nouveau jeu de Kirby dont le titre est... Kirby Return to Dreamland. Excellent. Donc, sur la Wii, disponible pour tous. Alors, on va continuer en musique, Guillaume. Oui, on va y aller avec une autre sélection de ta part, une chanson de Noël, car Noël s'en vient bientôt. Une chanson un petit peu spéciale, par contre. Ben oui, on avait fait la même, on avait fait une sélection semblable l'année dernière pour justement le temps des fêtes qui sort d'un disque à thématique sur le mythe, en tout cas les mythes, les créatures de H.P. Lovecraft, d'un album qui s'appelle A Very Scary Solstice. Et la chanson qu'on va voir, c'est Silent Night, A Blasphemous Night, qui est par le Dagon Tabernacle Choir. Et t'as une bonne mémoire. Pas une bonne mémoire, hein? Et c'est un album concept, donc des nouvelles versions des chansons de Noël connues, mais version Lovecraft. Si on est moindrement amateur de Lovecraft, ça, je pense que ça vaut la peine de... Ah oui, c'est un achat à faire. Donc toujours sur les ondes de Sequoia, vous écoutez Puissance Maximale. Ich bin Friedemann Friese und Sie hören Puissance Maximale. Et oui, on est de retour à Puissance Maximale après une si belle chanson de Noël version Lovecraft. Alors, c'est à mon tour de vous parler d'un jeu. En fait, d'un jeu qu'Andrew m'a fait découvrir parce qu'il est le propriétaire de ce jeu, l'heureux propriétaire de ce jeu, qui s'appelle Order of the Stick. The Dungeon of Dorukan. En fait, Order of the Stick, qui est un jeu basé sur un webcomic. Qui était, bref, c'est des personnages, des bonhommes allumettes finalement, qui sont des personnages de dans l'univers de Donjons et Dragons, et qui va finalement, c'est un truc vraiment humoristique, là. Ce qui est vraiment très drôle, en fait, c'est que l'humour est basé sur le fait que les personnages sont conscients qu'il y a des règles de jeu de rôle qui les régissent. Oui, et c'est vraiment particulier parce que c'est un comic. Oui, c'est des bonhommes allumettes. Un petit peu plus de détails. Ils ont des yeux, ils ont des épées, des choses de même. Mais le principe de base, c'est que les bras, les jambes... C'est des sticks. C'est des lignes droites, pas de détails. Puis malgré ça, c'est excellent comme comic. Oui. Le jeu, d'ailleurs, est beaucoup basé là-dessus. Il y a beaucoup des cartes qu'on va retrouver dans le jeu, des pouvoirs... C'est des planches qu'on retrouve dans le webcomic. D'ailleurs, Order of the Stick sur Google, allez voir ça, ça vaut la peine. Ils sont rendus à 800 quelques planches sur ce webcomic-là. Puis ça se lit très rapidement. En une soirée, j'en ai lu 50, puis c'est en fait une soirée, même pas une heure, là. Donc ça vaut la peine d'aller voir ça. Donc le jeu est basé sur ce webcomic-là. On a des personnages, on a finalement une équipe d'aventuriers qui se retrouvent dans le donjon de Dorukan. Et le but ultime de ce jeu-là est d'aller tuer Xycon, la liche, en fait, qui est un peu leur némésis au début de la série. On a des personnages qui vont qui compose finalement cette équipe d'aventuriers là. On a évidemment un guerrier, on a une voleuse, une rogue, magicien, cléric, on a magicien, ranger. On sait pas si c'est un gars ou une fille, par exemple. C'est ça, on sait pas si c'est un gars ou une fille. C'est un elfe, ça. C'est un slash une elfe, on sait pas, ce qui est un autre côté comique du personnage. Donc, tous ces personnages-là ont vraiment, là, on vous dit ça comme ça, c'est pas comme dans Munchkin, là. Ces personnages-là ont vraiment une personnalité, puis ça apparaît aussi dans leurs habiletés. Faut pas oublier aussi le ranger. Qui est Belcar, ouais. Belcar, qui est tout sauf good. Ouais, c'est ça, c'est un peu. Ça, il faut qu'on parle du jeu en tant que tel. Le jeu, c'est un dungeon crawler. On va se promener dans un donjon, on va explorer des pièces pour trouver des trésors, monter ses niveaux pour pouvoir finalement descendre au dernier niveau, combattre Xycon et ses sbires au dernier niveau du donjon. Il y a plusieurs types de parties en type de longueur, je parle. Il faut obtenir des trésors qui nous appartiennent et aussi un certain nombre d'habiletés qu'on appelle des shticks pour pouvoir accéder au dernier niveau du jeu. Et ces shticks-là, c'est un peu, ça fait penser un peu au niveau, finalement, au niveau de notre personnage. Plus on a de shticks, plus nos pouvoirs vont être puissants, vont être pratiques tout au long de la descente dans le donjon. Alors, on commence à l'entrée du donjon, on va descendre comme ça, petit à petit, avec nos personnages. Pour ceux qui... Ça ressemble un peu à Munchkin Quest, la version plateau du jeu Munchkin, sauf que dans Munchkin, quand on va attaquer quelqu'un, mais c'est souvent une question de booster les monstres contre qui il va se battre ou de jouer des cartes. Sauf que dans Order of the Stick, c'est possible de s'attaquer entre joueurs. C'est un peu plus coopératif que Munchkin parce que des fois, on n'a vraiment pas le choix. On n'a pas le choix de s'aider. C'est un peu le même principe que dans Munchkin. Si on veut se faire aider par un coéquipier, il faut lui offrir des trésors qu'on a déjà souvent dans notre possession qui ont finalement la face de du personnage qu'on veut qui nous aide finalement. Alors, on doit descendre comme ça jusqu'à la fin en obtenant des shticks, des trésors, c'est aussi en combattant évidemment des monstres. Et il y a des pièces aussi qui vont avoir des habiletés spéciales, des pouvoirs spéciaux quand on va descendre comme ça et qui vont faire que finalement certaines actions ne peuvent pas être faites dans cette pièce-là ou qui vont nous donner des bonus à notre personnage ou même nous donner des trésors de plus ou même nous empêcher d'avoir des pouvoirs, des shticks en récompense ou des finalement des points d'expérience en récompense d'un monstre parce que cette pièce-là est faite comme ça. Donc, il y a toujours le côté hasard des choses. C'est comment c'est composé le jeu. C'est principalement que des cartes, en fait. Il y a les cartes de pièces, donc les pièces du donjon qu'on va mettre un après l'autre pour composer un étage de 8 pièces. Oui. Les étages, c'est un petit peu comme une pyramide, dans le fond. Ouais. Plus qu'on descend, plus que généralement, ça va être, si je me rappelle bien, ça va être large. Va non, c'est le même nombre de pièces. C'est vrai. C'est le même nombre de pièces. La chose qui va différencier avec plus on descend en bas, plus il va y avoir de monstres par pièce. Oui. C'est qu'on a un monstre au premier niveau, évidemment. On arrive dans une nouvelle pièce, il y a toujours un monstre. Donc, on a un monstre à combattre. Deuxième niveau 2, troisième niveau 3. Puis on peut descendre à plusieurs niveaux, tout dépendant de la longueur de partie qu'on veut jouer. Dès qu'on arrive à la partie de Xycon, ben là, c'est le même niveau que le dernier, plus 1. Bref, ça. Puis en plus, les monstres peuvent, si on vient les supporter avec des monstres du même type, ben là, ça peut augmenter ce qu'on appelle le battle size, donc la grosseur de bataille avec un autre. Ça peut devenir assez exponentiel si les gens décident que tu ne passes pas dans cette pièce ou que tu ne gagneras pas ce combat. Et si je me trompe pas, si je me rappelle bien, parce que ça fait longtemps que j'ai joué. J'ai le jeu moi-même chez nous, ça doit faire 2 ans que j'y ai pas joué. C'était avec des D12, si je me trompe pas. C'est avec des... C'est avec des D12? J'essaie de me rappeler. D6? Il me semblait que c'était des D12 parce que les D12 étaient tristes parce qu'ils étaient tout seuls. C'est en plein ça, c'est des D12. Merci Guillaume. D'ailleurs, je tiens à m'excuser, j'ai oublié mes notes pour parler du jeu, mais je m'en rappelle quand même assez bien. C'est ça, c'est des D12 qu'on va lancer. C'est Munchkin qui joue avec des D6. C'est en plein ça, 2 D6. Et c'est ça, pour Order of the Stick, on va toujours combattre finalement le niveau de la créature. Lui, si je me rappelle bien, on lance pas de dés pour la créature. C'est tout le temps se combattre contre la créature avec ses niveaux, ses bonus. Puis là, si on vient apporter de l'aide avec d'autres créatures, ben là, ils deviennent encore plus fortes. Mais nous, on va s'équiper. Nos pouvoirs peuvent nous donner justement des bonus plus, finalement, le contexte où on va être. Des fois, justement, nos amis peuvent venir nous aider. Donc, le jeu, c'est principalement ça. Et le but, c'est d'aller tuer Xycon. Sauf que c'est pas celui qui va tuer Xycon qui va nécessairement gagner. Après avoir tué le boss, finalement, il faut remonter au début du donjon parce qu'il s'écroule. Toutes les pièces vont commencer à s'en aller tranquillement jusqu'à temps que tout le monde soit rendu à la fin, puis après ça, on compte les points. Qu'est-ce qui est important dans le jeu? éviter tuer Xycon pour finir la partie, évidemment, mais aussi ramasser des trésors, parce que quand on va tuer des monstres, ils vont laisser tomber du butin par terre, puis là, on va aller les chercher. Il faut trouver avec le plus possible avec la face de notre personnage, parce que c'est ça qui va compter pour pouvoir marquer des points à la fin du jeu. Mais aussi, ces trésors-là, en plus de nous donner des points à la fin, ben, ça peut être des objets qui viennent justement nous donner des bonus qui vont venir peut-être booster ce qu'on appelle booster les shticks, donc nos pouvoirs. Donc, il faut aller chercher des trésors, il faut aller chercher évidemment des shticks. Nos pouvoirs vont donner nous aussi nous donner des points à la fin. Le premier qui va sortir du donjon également à la fin va avoir un petit bonus également. C'est qu'il faut tout penser à ça. Il faut être coopératif, évidemment, pour pouvoir s'en sortir, parce que des fois, on peut rencontrer des monstres qui sont beaucoup trop forts pour nous. Il faut faire attention à Belcar, entre autres, parce que lui est vraiment fait pour faire du joueur contre joueur. S'il sort, parce qu'on détermine les joueurs au début en pigeant au hasard. Donc, s'il y a quelqu'un qui pige Belcar, il faut tout de suite penser. D'ailleurs, si vous jouez avec Andrew un jour, faites attention. Parce qu'Andrew aime Belcar et il aime s'en servir. Ah, c'est un des personnages préférés de la série. Mais quoi, ils sont tous intéressants. Ah oui, ils sont très. C'est ça que je trouve intéressant aussi, c'est que les personnages, quand on les connaît un peu ou même on apprend à les connaître en commençant à jouer, c'est toujours très drôle de lire la petite description qu'il y a avec leur pouvoir. Puis il y a tout le temps, avec les cartes qu'on trouve, un petit carré de BD. Puis avec les phylactères puis tout, là, c'est toujours très intéressant, toujours très drôle. Puis une autre affaire aussi que j'ai trouvé intéressant puis original, c'est que le livre de règles, c'est une bande dessinée. Oui, il y a le livre de règles complet, mais il y a le petit livre BD là, qui permet d'avoir une version rapide des règles, surtout un petit temps de mémoire, quand ça fait un petit peu longtemps qu'on n'a pas joué. On lit ça, fait « Ah, c'est bon, je m'en rappelle », puis on part. Puis à la base, c'est toujours très drôle, parce que la BD, ils l'ont fait à l'image de la BD, là. Donc, moi, personnellement, je trouve que c'est un achat à faire, surtout pour les amateurs. Le seul bémol que je peux trouver au jeu, c'est le jeu matériel, je parle. Contrairement à un Munchkin Quest où les pièces vont s'emboîter, puis c'est un beau jeu aussi, Munchkin Quest. Mais Order of the Stick, c'est des cartes qu'on va poser sur la table. Ça peut commencer, disons que ça peut commencer à être mêlant, puis c'est pas. Ça prend de l'espace aussi. Ça prend beaucoup d'espace, comme Munchkin Quest. C'est même plus que Munchkin Quest. Il faut avoir de l'espace. Il faut avoir du temps aussi. C'est des bonnes parties, même les parties les plus courtes. Là, c'est un bon 4 heures. Mais c'est un 4 heures très bien investi. C'est super bon. C'est un jeu que je recommande à tout le monde. Mais comme je disais, pour le matériel, il faut dire que le jeu original, Order of the Stick, est out of print. Donc, il se vend plus. Il y a juste la version Deluxe qui se vend, qui comprend l'expansion. Une expansion qui rajoute des cartes finalement. Approximativement 120 de mémoire. 120 ou 150, je m'en rappelle plus. Qui rajoute. Puis si je me rappelle, je suis allé vérifier avant de venir tantôt sur le site officiel d'Order of the Stick. Il vendait à environ $55 US. Ça vaut la peine, c'est un super bon jeu. Ou vous pouvez essayer de le trouver aussi en magasin, de le commander chez vos distributeurs préférés ou magasins. Oui, parce que je sais qu'ils l'ont déjà eu en stock, les magasins locaux. Ils l'ont peut-être pas. Vu par que contre, ils peuvent peut-être le commander pour vous. Ça vaut la peine de regarder. Oh oui, ça vaut la peine. Pour les amateurs du jeu du genre, là, ça vaut vraiment la peine d'aller jouer à ça. Ou appelez-nous, on va aller jouer avec et ça. Et après ça, vous commencez à lire la bande dessinée. Puis le jeu est encore plus intéressant à ce moment-là. C'est pas obligatoire, mais c'est un plus. On comprend bien des choses quand on va jouer après. Sur les cartes, là, on aime bien ça, les crier là, par après. Là. Surtout quand on est Belcar, je sais pas pourquoi, mais il me semble que. Ça va bien avec. Ah, oui, encore quand on est avec Vip, on pogne la carte. Mad! On comprend tout à ce moment-là. Donc, c'était Order of the Stick, un jeu qui est sorti, si je me rappelle bien, en 2006. Ça fait quelques années, effectivement. Ouais, c'est ça. C'est pas tout nouveau, mais c'est toujours aussi bon. Ça vaut la peine pour les amateurs de ce genre de jeu-là d'aller se le procurer. Donc, on va continuer en musique, mon cher Guillaume. Oui, on va y aller encore là avec une sélection de toi. C'est ta soirée. Ben, c'est spéciale musique de ton cru. Avec une chanson que j'ai découvert cet été, que j'ai fait écouter à d'autres gens. La majorité des gens aiment de base, mais particulièrement ceux qui jouent à Minecraft. Oh oui. Énormément ce vidéo-là. Très bien fait. Oui. Je dois l'avouer, là, c'est du graphique à la Minecraft. Faut pas se le cacher. Mais l'animation est super bien faite. La pause de combat est excellente. Ah, est excellente. En fait, c'est une chanson qui s'appelle Revenge, qui est une parodie finalement d'une chanson d'Akon, si je me rappelle bien, ou de. Tu es quand? C'est pas Usher. Usher, c'est ça, merci. J'écoute tellement pas ce genre de musique-là habituellement que les noms, je les mêle. Donc, une parodie d'une chanson d'Usher qui s'appelle Revenge. Vous allez voir, vous allez reconnaître la chanson. Et c'est basé sur un gars qui s'en va miner dans Minecraft, un personnage, mais qui finalement, il se fait pogner par un creeper une fois de trop. Et à la fin de l'émission, allez voir la vidéo sur YouTube, allez, ça vaut la peine. Tapez Revenge plus Minecraft dans YouTube, vous allez tomber direct dessus, ça vaut la peine. C'est un 4 minutes bien investi de votre vie, je trouve. Donc, toujours tout de suite en musique, sur les ondes de CKIA, vous écoutez Puissance Maximale. Swinging from side to side, side to side. This task a grueling one. Hope to find some diamonds tonight, night. Diamonds tonight. Heads up, you hear a sound. Turn around and look up. Total shock fills your body. Oh no, it's you again. I can never forget those eyes. 'Cause baby tonight. Hissing from right behind. That's a nice life you have. Shame it's gotta end at this time. Blows up, then your health bar drops and you could use a one-up. Get inside, don't be tardy. So now you're stuck in there. Half a heart is left, but don't die. 'Cause baby tonight. Some armor, get it baby, going forged. I like you so MLG pro, the sword's made of diamonds, so come at me bro, huh. Training in your room under the torchlight, hone that form to get you ready for the big fight. Every single day in the home, like creepers out prowling. Alright, look at me, look at you, take my revenge, that's what I'm gonna do. I'm a warrior baby, what else is new? And my blade's gonna tear for you. 'Cause baby tonight, the creepers trying to steal all our stuff again. Get your stuff. Yeah, let's take back the world. Baby tonight, grab your sword, armor, and gold. It's on. Take your revenge. Oh. So fight like it's the last night of your life. I'm show them your life. Woo. 'Cause baby tonight, the creepers try to steal our stuff again. 'Cause baby this is Duke Nukem, and you're listening to Puissance Maximale. Shake it, baby. Merci, Duke, pour cette introduction. Et maintenant, Guillaume et nous tous, finalement, nous allons vous parler de la sortie de la semaine dernière, le dernier titre de Bethesda Studios, Skyrim. Oui, un excellent jeu. Ça fait à peu près une semaine que je joue. J'ai pas assez de temps. Je dois partager le Xbox avec ma femme, et c'est très difficile de partager. Et... ma première réaction au jeu, que je dois dire, un mot pour le décrire, c'est immense. Oh oui. Le jeu, c'est le meilleur mot que je pourrais y donner pour le décrire. Si j'avais juste un mot à donner, c'est immense, il n'y a pas rien d'autre qu'on peut dire. Déjà, les jeux de Bethesda, depuis Morrowind, en fait, qui date déjà de quelques années, même Daggerfall, un des premiers titres des Elder Scrolls, on a Daggerfall, Morrowind, Oblivion, que pas mal tout le monde connaît. Bon, on a Skyrim là, qui vient jouer dans cette un peu dans cette map-là, immense map du monde de Tamriel, qui est le monde de Elder Scrolls. On est dans la province de Skyrim, un jeu, une première personne, médiéval fantastique, qui peut switcher troisième aussi. On peut être... J'aime moins la troisième personne, mais par contre, ça fonctionne. Ben, pour voyager, moi, je préfère. Ah. Pour voyager, pour voir mon personnage. C'est tellement bien fait. C'est ça qu'il faut dire aussi. À Skyrim, c'est un super beau jeu. Je veux dire, on passe... Mais j'avais vu une image très drôle sur Internet où c'était marqué « 1 hour to make your face and you put a helmet on all the game ». C'est que tu passes des heures à faire ton personnage pour qu'il vraiment, comme tu veux, c'est, on peut vraiment passer du temps pour faire un personnage vraiment à notre goût. Et les détails sont magnifiques. Fait que moi, je le mets en troisième... Quand je voyage, là, je me mets en troisième personne. Et moi, qu'est-ce que je trouve surprenant, c'est on parle, oui, Skyrim est magnifique, mais c'est de voir à quel point l'engin l'engin graphique de Skyrim est puissant pour le peu de ressources qu'il consomme sur une machine. Oui. On n'a pas besoin d'avoir l'ordinateur dernier cri pour être capable de le rouler avec des graphiques élevés. Puis même si on le roule pas à ultra, medium, puis high, c'est super très, beau. Très beau. Soit la grosse différence, ça va être le rendering. Donc la distance qu'on voit les objets, ça va être la très grosse différence. De proche, même si on joue avec des graphiques un petit peu moins élevés, d'après ce que j'ai vu, parce que moi je joue sur Xbox, ça changera pas tant que ça. Il va y avoir des différences, mais c'est surtout la distance qu'on va voir les ennemis. Mais c'est quand même bien fait, parce que même si la distance est plus basse, on ne le remarque pas tant que ça. Non, c'est ça. C'est très, très, très bien fait. Moi, personnellement, je joue sur PC. Toi, Guillaume, tu joues Xbox, puis toi, Andrew? PC. PC aussi. C'est ça, moi, j'ai... Je capote. Ça va faire, c'est le Skyrim, là. Je suis un gros fan de Oblivion, mais là, on va... Comme je disais, on dit hors-honte tantôt, je trouve que maintenant, on a des personnages plus balancés. Moi, avant, je trouvais que le seul qui valait vraiment la peine d'être joué, ou qui était le plus intéressant, un peu le plus puissant, c'était le guerrier, finalement, dans la version Oblivion, selon moi. Mais là, je pense que là, avec les nouvelles options qui sont arrivées, surtout pour le mage, là, je pense qu'on a quelque chose d'intéressant. En fait, petite parenthèse comme ça, sur les nouvelles fonctions qui ont été ajoutées, je veux juste en discuter comme ça rapidement, parce que j'ai l'édition collectionneur chez nous là, de Skyrim. Excusez-moi, monsieur. Oui, monsieur, moi, je suis fancy. Je pourrais donner plus de détails tantôt, en même temps, s'il y a du monde qui veut savoir qu'est-ce qu'il y avait dedans, mais il y a un DVD de Making of de Skyrim, puis il est très bien fait, puis t'sais, c'est vraiment un bon documentaire, puis je vous dirais... Bon, je n'encourage pas le piratage, mais t'es, probablement vous êtes capable de vous le trouver sur Internet. Puis je vous dirais, si vous avez une chance, écoutez-le, c'est vraiment intéressant. Puis justement, l'équipe qui a travaillé sur Skyrim, c'est aussi l'équipe qui a travaillé sur Fallout. Et en même temps, on sait que Fallout, c'est très semblable à Elder Scrolls, mais en même temps très différent, parce que les armes à feu, puis t'sais, il y avait certains systèmes qui n'étaient pas présents dans les Elder Scrolls, qui étaient présents dans Fallout. Mais on apprend dans ce documentaire-là, justement, pourquoi l'équipe a travaillé sur Fallout. Et c'était pour se ressourcer. Parce qu'il disait que, dans le fond, quand ils ont passé de Morrowind à Oblivion, il était en manque d'innovation. Puis quand ils ont commencé à travailler sur le projet Fallout, l'univers différent, les différences mécaniques, ils ont fait comme « Hey, ça s'appliquerait à Elder Scrolls ». Ça leur a donné puis des idées. Quand ils ont commencé Skyrim... C'est le même engin, même si je ne me trompe pas, que Fallout qui est utilisé. Non, Skyrim a un nouvel engin qu'ils ont appelé l'engin Création. Quand ils ont lancé Creation, puis quand ils ont dit qu'ils se sont lancés dans le projet Skyrim, ils ont dit « On commence sur des bases neuves ». Il dit, on n'utilise plus rien d'ancien, on n'utilise pas le système Fallout, on n'utilise pas le système de Oblivion, on part sur des bases neuves. Donc, c'est vraiment un système renouvelé, revampé à la saveur d'aujourd'hui. Un petit mélange, en fait, de Oblivion et de Fallout. Qu'est-ce que je trouve qui fait quand même très bien la job, personnellement. Et Mike, tu parlais que, comme de quoi que dans Oblivion, tu trouvais que c'était juste le guerrier qui valait la peine de jouer. Dans celui-ci, moi, personnellement, du moins dans Skyrim, mon personnage, c'est un magicien. C'est ça que je voulais jouer. Je dis, bon, je vais essayer ça. Ça a l'air d'être intéressant. Surtout que maintenant, on peut avoir des sortilèges dans chacune des mains. Oh ça, oui. Ça, là, c'est très intéressant. Grosse innovation. Puis ça s'applique pas juste au mage. Le guerrier peut se battre à deux armes, qui était une grosse lacune, je trouve, dans les autres versions d'Elder Scrolls. Et je peux dire que tout dépendant de qu'est-ce que j'ai vu jusqu'à date, parce que ma femme joue, elle joue une archère, tout dépendant du style de personnage qu'on a, ils ont tous leurs forces, puis il y aura des situations où est-ce que ça va aller moins bien. Oui, c'est sûr. Le guerrier, dans certaines situations, quand il y a beaucoup d'ennemis qui font de la magie à distance, ou ça qu'il va pas courir bien. Pour se rendre, ça va pas bien. Une fois rendu en corps à corps, ça va bien, mais il faut s'y rendre. L'archer, Surtout si on y va en qu'est-ce qu'on appelle en stealth, donc quand on veut faire des attaques sournoises avec l'arc, c'est assez violent. Ça fait très mal. Le problème, c'est quand les ennemis, il y en a deux, trois qui se rendent sur nous autres, mais là, on est beaucoup moins efficace. Et encore là, ils ont ajouté quelque chose avec l'archer que j'ai trouvé intéressant. Dans Oblivion, je trouvais que l'arc était pas assez fort. Maintenant, il l'est. Puis en plus, on a, avec son attaque avec le. En ce cas, moi, je parle avec la souris, là, avec la deuxième attaque, mais on donne un coup de poing avec l'arc dans la main. C'est un peu pour tasser l'ennemi. Ça fait pas tant mal, pas mais c'est très surtout, efficace. Mais c'est surtout pour se dégager. Disons qu'on a, on a un guerrier qui est pogné sur nous autres. Là. Une autre belle addition sur le jeu, je trouve. Mais pour parler rapidement, là, un peu pour mettre en contexte des, les auditeurs sur Skyrim, on est dans la province de Skyrim. Comme dans tous les débuts de jeu d'Elder Scrolls, on est une personne. On condamné sait pas, à mort. Condamné à quelque chose. On est prisonnier. On ne sait pas trop ce qui s'est passé. On n'a pas vraiment de mémoire. Là, c'est un prétexte pour créer notre personnage à ce moment-là. À la ville où on est amené, il y a un dragon qui attaque. Et là, on se sauve. Et on en apprend, finalement, au début du jeu. C'est pas vraiment un spoiler là, que je vais vous dire là. Là, c'est assez. On en a parlé de toute façon dans la promo depuis le début. Là, c'est que notre personnage est un Dragonborn. Et donc, comme si vous vous rappelez d'Oblivion, comme l'empereur Tiber Septim, qui était. Les empereurs de l'Empire sont justement des Dragonborn. Le sang de dragon finalement en dedans d'eux et qui leur permet d'avoir justement des pouvoirs spéciaux. On est un personnage comme ça dans un contexte politique assez difficile présentement dans la province de Skyrim, qui est une province du nord du monde de Tamriel, qui est aussi gérée par les impériaux. Et là, on arrive en pleine rébellion, finalement. Oui, une petite guerre civile rébellion. Il y a des Nord, donc des gens du Nord. Qui est un peu ce qu'on peut se référer à l'esthétique et puis à la mythologie un peu viking. Là. C'est plutôt un nordique de l'Europe, là, la Scandinavie. Oui, c'est ça, scandinave. Scandinave. Puis, effectivement, une petite guerre civile. Au fait, les personnages, de façon générale, sont quand même bien, surtout en armure. J'aime moins les faces dans le jeu, mais je dois juste une petite parenthèse là-dessus. Mais qu'est-ce qui est équipement, l'apparence est très géniale. Ah, l'esthétique, oui, c'est les armures. Moi, je passe du temps, des fois, moi, je prends le temps, souvent, je vais peut-être me trouver niaiseux, là, mais quand je rentre en ville, quand je sais que je ne m'abaisserai pas, je prends le temps de mettre du linge, d'enlever mon armure, puis de me promener en linge civil avec quand même mon arme. Je trouve vraiment que l'esthétique, c'est vraiment une grosse force. Mais c'est pas la force du jeu, là, parce que on se rappellera qu'Oblivion, pour ceux qui se rappellent, Oblivion offrait au-dessus de 300 heures de jeu. Il y a tellement de quests à faire, il y a tellement une map immense. Comme il disait dans une des promos, à un moment donné, dans un trailer, il dit, ce que vous voyez là sur la map, vous pouvez y aller. C'est pas juste du background. Là. Les montagnes que vous voyez, ils sont immenses d'ailleurs, les montagnes. Et si vous voyez que de quoi qu'ils volent au ciel... proche du dessus de la montagne, ça se peut que ce soit un dragon, puis il risque d'être là si vous y allez. Non, ça risque de péter si vous vous rendez. Là. Donc, une map immense, une esthétique magnifique. On a un jeu, justement, là, qui devient... Des fois, c'est étourdissant. Moi, personnellement, quand je jouais à Oblivion, des fois, j'avais tellement de quests activés, je savais plus par où. Il faut prendre vraiment de son temps. C'est la même chose avec Skyrim. Oh, je veux dire, je fais par exprès pour ne pas parler avec des gens quand je découvre de nouveaux endroits. Parce que j'ai déjà assez de quêtes comme ça. Je veux pas m'en rajouter d'autres dans ma liste puis plus savoir où donner la tête. C'est ça. Des fois, je découvre des donjons, des tours, puis je rentre, je fais deux, trois pièces, je fais non, faut que je sorte du site, là. Je vais finir ma quête, je suis dessus. C'est en plein ça. Faut pas que j'embarque dans d'autres choses. Il y a tellement de choses à faire. C'est ça qui est intéressant. C'est la quest. On a notre quest principale. On a les centaines de side quests. Puis en plus, il y a tout ce qu'on peut rencontrer par hasard, les petites caves, des fois qui. Ça, même pas connecté à une quest, mais c'est juste des bébites qui sont là. On va se taper du gobelin ou des bandits, whatever. On en ressort. On a du loot intéressant, du butin, puis c'est tout. Là. Une autre chose aussi qui est le fun dans Skyrim, c'est que non seulement la map est immense, comme vous dites, mais aussi le monde est vivant. Quand on se promène dans le bois, des choses comme ça, on voit des renards, on voit des animaux qui se promènent. Ils ont plus d'animaux que dans Oblivion. Il y a vraiment une vie sauvage. Juste donner un exemple, comment que le monde est dynamique. Dans la ville principale, la première ville qu'on rencontre, il y a un groupe de gens qui s'appellent les Compagnons, qu'on peut essayer de se joindre à eux. Une guilde de combattants, je pense. Une guilde de combattants. Puis moi, éventuellement, je m'en vais plus loin dans le monde. Je suis en train de faire une autre quête. Puis là, je vois un mammouth qui est en train de se battre. Que c'est ça? Qu'est-ce qui se passe? Je m'en vais voir. C'est les Compagnons qui sont à la chasse. Qui n'ont pas rapport, il n'y a pas de quête avec eux autres en ce moment. Puis quand je m'en vais leur parler, ils disent ben on n'avait rien à faire, fait qu'on a décidé d'aller à la chasse, fait qu'ils sont rendus quelque part d'autre dans le coin du monde, puis sont en train de chasser. C'est ça. Juste ça, c'est une dynamique intéressante. Je fais, c'est donc bien génial, ça, ils ont une vie. L'intelligence artificielle a aussi été améliorée. Je vous dirais quand dans Oblivion, quand je faisais un archer en sneak, je tuais quelqu'un de loin, le gars il mourait du coup. Mais les bonhommes ils restaient comme à côté puis ils cherchaient un petit peu autour, mais ils faisaient rien d'autre. Non, à cette heure, tu le tues d'un coup de loin, ils attendent un peu, ils peuvent te trouver pas très facilement, mais ils peuvent te trouver plus facilement, puis ils sont pas mal moins niaiseux que dans Oblivion. Juste un autre exemple, il y a une autre partie, je suis en train de promener sur une route, j'ai tué un ours parce que j'ai une quête où est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime pas les ours, fait que je suis en train de tuer des ours parce que genre c'est dangereux pour elle, c'est une bûcheronne, puis il y a trop d'ours, puis elle veut que je m'en débarrasse un peu, et je rencontre quelqu'un d'autre, je me bats contre, je le tue, il est mort sur le bord de la route. Peut-être 6 heures de plus tard en vraie vie, donc peut-être 4-5 jours plus tard, je repasse dans le coin, je croise des voyageurs qui s'en vont à un mariage. Ah, ok, je vais y suivre un peu, voir, y a-t-il une quête, quelque chose, je suis pas capable de rien faire d'autre avec eux. Ils arrivent au cadavre de la personne que j'ai tuée, ils arrêtent puis ils regardent. Ils regardent le cadavre, ils font « Oh, il est mort, qu'est-ce qui s'est passé? » Ouais. Ça, c'est déjà c'est une vie. C'est ça, c'est que le jeu est vivant, comme tu disais tantôt. Puis les personnages, des fois, il faut les chercher, des personnages de quête. Ah, il faut aller revoir un tel. Ben, il est pas à la même place que il tantôt. Il est plus à l'auberge, là. Il est rendu. Il se promène chez. Il va chez eux, il se promène en marcher, ville. Il s'en va prendre un verre, il est plus toujours à la même place. C'est ça, des fois, faut fouiller. C'est tannant, des fois. C'est un petit côté réaliste, là, qui est vraiment intéressant. Dans les innovations qu'on parlait tantôt, justement, qui étaient beaucoup publicisées dans les trailers, le dual wielding. Donc, on utilisait un sort dans chaque main ou le même sort dans les deux mains pour le combiner, pour le faire plus puissant. Très, très fort. Ça, j'avoue que c'est ça qui donne, je pense, le côté assez destructeur au mage dans cette édition-là. Ça ramasse. Surtout que les magiciens, on peut porter des grosses armures. Par contre, les bons objets qui donnent des bons avantages pour la magie, généralement, c'est des robes. C'est des robes qui donnent rien. C'est ça. Et oui, on est très fort de loin. Mais si, disons, un tigre à dents de sable nous saute dessus, puis je l'ai pas vu venir, c'est fini, là. Genre, de ma game, je suis mort, j'ai pas eu le temps de rien faire. Parce que le guerrier, lui, au moins, il a eu le temps de s'en virer de bord, faire quelque avec chose. Avec l'armure et tout, là, ça peut permettre, effectivement, mais le match, c'est débile. À distance, là, ça peut être très dangereux, mais avec les sorts aussi de protection, il y a quand même beaucoup de sorts. Une fois qu'on est prêt, par contre, c'est ça, très très fort. Si on n'est pas prêt, c'est fini. Ils ont des sphères de magie différentes aussi, c'est pas juste des pitchers de boules de feu. Là. Ils portent des illusions, de la restauration, des genres de prêtres. La nécromancie. Là. La nécromancie, oui, que Andrew, je sais que t'aimes bien ça. Là. On joue dans une C'est game. Mon deuxième perso. On joue dans la même game que de Pathfinder, puis arrête pas de m'en parler. Donc, c'est ça un peu, justement, un conjureur, quelqu'un qui va invoquer des créatures. Donc, on a quand même une belle panoplie à ce moment-là. Dans le guerrier, encore une fois, on peut avoir le guerrier. On a le guerrier qui est la grosse armure, les grosses armes et tout. On peut avoir un guerrier plus subtil et le voleur. Le voleur en petite armure qui va faire du lockpick, du pickpocket. Puis surtout le sneak attack. Puis encore là, le voleur, il peut se battre avec un arc, puis tirer plus à l'arc, puis se débrouiller encore à corps après. Il y en a un qui peut être meilleur avec un épée pour pogner les gens de surprise, ou il est avec une dague, la dague étant beaucoup plus violente pour les attaques surprises, beaucoup plus efficace. Mais s'il y a un autre ennemi qui nous arrive dessus, la dague, à ce moment-là, fonctionne moins bien qu'une épée à une main. Il y a toujours des choix à faire. Un autre truc qui a changé dans cette version-là, c'est le système de level up. Donc, avant, on avait les caractéristiques, comme dans Fallout puis dans Oblivion, donc la force, l'intelligence, ces affaires-là. Ça a été enlevé. Et c'est très intéressant qu'il n'y ait pas ça. C'est pas mal mieux comme ça. Parce que toutes ces caractéristiques-là finissent à jouer dans votre stamina, dans votre magica, qui est votre pool de mana, puis votre force. Et dans les compétences. Et dans les compétences. Mais là, on les monte. Les trois stats, finalement, c'est magic, c'est magica, stamina, et health. Désolé de vous contredire, les gars, mais c'est encore là, la force et la dextérité. Et si vous avez le guide stratégique de Skyrim, c'est que c'est la race qui le détermine. Oh oui, mais je veux dire... Mais on le choisit plus. Mais je veux dire, on n'ira pas booster. C'est sûr qu'il y a des personnages qui sont plus forts que d'autres. C'est ça, c'est juste pour faire attention parce que t'es de la... C'est dans le système de level up que je parlais. C'est ça, OK. Bon, ben, t'es, mais le concept est encore là, c'est juste c'est la race. C'est en arrière-plan, puis c'est pas actif. C'est pas un choix actif à faire. Même là, parlant des... Si on est un warrior, on va chercher une race qui est plus forte à ce moment-là. Et encore là, c'est... Il n'y a pas de races qui sont mauvaises dans certaines choses. Non. Il y a des races qui sont meilleures. Ben, je vous dirais que c'est balancé quand même parce que dans le guide justement du jeu, on a dans le fond les fameuses stats en question. Okay. Puis dans le fond, c'est généralement bien balancé. C'est que une stat normale dans ce jeu-là, c'est 20. Puis dans le fond... C'est 15. 15, excusez. 15. Puis dans le fond, il y en a qui vont être à 25, il y en a qui vont être à 20. Généralement, les races vont avoir quelques compétences à 20 et une compétence qui vous part à 25. Donc, ils ont un certain avantage pour aller plus vite, aller chercher les avantages dans cette compétence-là. D'ailleurs, le guide est vraiment génial en passant. Si vous avez la chance là, de vous le mettre, il est très... J'aurai la chance de le voir quand tu me l'amèneras à la maison. Il arrive mercredi le mien, puis je l'ai déjà vu, là, puis c'est 660 pages le guide. Ça a l'air d'être assez complet. Ouais. C'est ça. C'est sûr que si on veut savoir tout ce qu'on va faire au niveau des quêtes, il est à l'intérieur, mais moi, juste l'aspect de... Ils disent, mettons, qu'on veut faire un assassin ou des choses comme ça. Qu'est-ce qu'ils recommandent dans les perks, dans le fond, les skills là, qu'on choisit dans chaque niveau? C'est très intéressant. Puis en même temps, quand on est un joueur de jeu de rôle, ben toutes les gabarits des armes sont dessus. Fait que, tu sais, si on a des systèmes de règles universelles, on est capable d'adapter ça pour jouer, justement. Fait que c'est quand même très bien. Vous allez voir aussi, il y a un truc qui était rajouté dans cette édition-là, qui était dans Fallout, c'est les perks. Genre les feats un peu, ça, pour les amateurs de donjons. Ça, les perks, faut le dire, c'est il y a 18 compétences qui existent. Et dans le jeu, la façon que ça fonctionne, si tu utilises une compétence, elle va augmenter. Point à la ligne. Si tu l'utilises pas... On met pas des points dedans, c'est on utilise nos compétences. Donc, on s'entraîne, c'est ça qui va augmenter. Ça, c'est le même depuis Morrowind, depuis Daggerfall même. Là. Donc, notre style de jeu de base va nous diriger dans nos compétences. Si je suis tout le temps en train de faire du sneak, donc de me cacher, il va augmenter. Ça va augmenter très vite. Si je rouvre aucune serrure, mais mon lockpicking, il augmentera pas. Si je n'utilise pas d'armes à deux mains, c'est compliqué. Si on négocie jamais avec personne, on parle jamais avec personne, on n'essaie pas d'y persuader, mais ça, notre speechcraft montera pas, puis on sera pas non plus meilleur avec les marchands. Fait que ils font passer à beaucoup de choses pour notre personnage, sans vu qu'il soit complet. Les perks, en fait, on vient les retrouver un peu dans les constellations qu'on avait dans les autres éditions, qui finalement que ça existe plus maintenant. On choisissait sous quel signe on était né et ça nous donnait un bonus dans tel stat, dans tel skill. Maintenant, c'est finalement ces constellations-là, c'est des étoiles, puis ça représente chaque perk qu'on peut aller chercher. Il y en a énormément. Si je me trompe pas, il y en a 250 au total de mémoire, mais on peut pas en avoir plus que 80 maximum qu'on peut éventuellement débloquer. Donc, on a des choix à faire déjà. C'est là. Ça. On peut pas tous les avoir, puis en plus, chaque skill, chaque compétence a son arbre de perks. Donc, il faut faire effectivement des choix des fois déchirants. Et quand on monte de niveau, on gagne un nouveau perk, mais on peut pas prendre n'importe quel perk à ce moment-là dans la constellation. Il y a des prérequis. Disons qu'on va aller chercher du lockpicking, puis on veut pogner le premier, je pense que c'est novice qui est le premier niveau. On va être meilleur là-dedans. Bon, ça nous prend du lockpicking à 20. C'est correct, on l'a. Si on va chercher l'autre niveau d'après... Mais ça le prend à 30. Tant qu'on n'a pas eu notre compétence à 30, on ne peut pas l'acheter. Donc, le jeu de base nous force à aller dans quelques branches en même temps. On ne peut pas juste être une affaire puis juste faire ça. On va se ramasser avec des perks qui n'ont rien. Mais de la façon que le jeu avance, naturellement, on va aller dans 2-3 branches là, à la fois. Là. Non, c'est ça. Ça nous amène vraiment à penser à notre personnage, à comment on va le jouer, comment il faut le jouer pour qu'il soit développé comme on le veut. Puis souvent, ça se développe pas toujours comme on veut, puis il faut s'adapter à chaque fois. C'est pour ça qu'en fait, c'est ça, c'est un jeu complexe dans ce sens-là. Notre personnage va être complexe. Le jeu, les commandes, au PC, la seule petite affaire qu'on avait, moi et Andrew, un peu de critique, c'est que ça paraît énormément que cette édition-là des Elder Scrolls, dont Skyrim, a été pensée pour une manette de jeu. Plus difficile un peu, c'est moins instinctif un peu les contrôles au clavier, mais quand on s'y habitue, je trouve qu'il y a quand même des choses intéressantes qui vont plus rapidement, mais c'est vraiment fait pour une manette. Hein. L'avantage, par exemple, sur PC, c'est que c'est plus facile d'avoir des compétences reliées avec des boutons. Je pense qu'on peut faire des boutons spécifiques pour les raccourcis. Donc, comparer le Xbox ou le PlayStation, où est-ce qu'on a des compétences préférées qu'on peut ouvrir un menu et aller chercher, avoir quelques compétences de plus. C'est moins convivial pour ça. C'est ça. Sauf que, tu sais, quand on dit optimiser pour les consoles, ça cause dans le fond, quand on navigue dans les menus, on voit que c'est vraiment fait pour être navigué avec les flèches, les touches. Parce que quand on utilise la souris, on clique sur des choses, ça marche pas tout le temps. C'est ça. Tu sais, on voit qu'il y a eu un petit manque d'optimisation à ce niveau-là. Tandis que moi, personnellement, quand je navigue dans les menus, je m'imagine vraiment en train de tenir une manette. T'sais, on voit vraiment que c'est... Et j'avoue que avec une manette, ça va bien quand même. C'est intuitif, ça va assez bien. Bien sûr, lire le livre de règles, ça l'aide toujours. Ça m'a pris à peu près 8 heures pour découvrir comment que ça fonctionnait les favoris dans les compétences. Parce que j'ai pas pris à peine, comme la majorité des jeux, j'ai pas lu les instructions. Pourtant, c'est bien marqué, je pense, à page 8. C'était noir sur blanc, c'était évident. Là, je commençais à bougonner un peu après le show. Ah, comment ça marche, cette affaire-là? J'ai juste pas lu. Pour deux petits trucs, étant un cheater, vous, les auditeurs le savent, je suis un tricheur et évidemment je triche. À Skyrim, très facile pour ceux que ça intéresse, les jeux de Bethesda Studios, ça pourrait être les plus faciles à cheater parce que la console des développeurs est accessible avec un bouton, on n'a pas besoin d'aller faire des modifications dans le shortcut sur le desktop de l'ordinateur. Dans le raccourci, là, on n'a pas besoin du tout d'aller faire de modifications. Les codes sont facilement trouvables sur Internet. Puis on peut à peu près popper ce qu'on veut. On peut modifier ce qu'on peut, ce qu'on veut. C'est très, très, très facile. Puis, je veux dire, pour ceux que ça intéresse, là, vous cherchez un peu, puis c'est vraiment facile à faire. Faut pas oublier aussi, par contre, que c'est pas grave si des gens veulent, comme tu dis, tricher sans même... Surtout que c'est un jeu... single player. Single player, ça, on joue tout seul, on joue pas avec personne d'autre, donc on brime pas le jeu de quelqu'un d'autre. C'est en plein ça. Si on veut essayer quelque chose puis dire qu'est-ce que ça fait ça, on peut le faire. C'est en plein ça. Ça n'empêche pas de l'essayer. Puis en plus, c'est très stable, contrairement à d'autres moyens, des fois, de tricher, comme les trainers, ces affaires-là. Je veux dire, à part certains cas, que souvent sur les sites internet, c'est marqué peut faire crasher votre jeu. Habituellement, là, c'est super stable. Donc, pour ceux que ça intéresse, allez chercher ça sur Internet, Cheat plus Skyrim, sur le site Game Facts.com, vous avez trouvé tout ce qu'il vous faut. Ça a commencé à sortir effectivement. La première journée, il n'y avait pas grand-chose. Mais c'est les mêmes codes, je vous dirais, là, pour avoir triché dans Fallout, Fallout New Vegas et Oblivion, c'est les mêmes codes depuis ces jeux-là. Donc, ça vaut la peine. Dernière petite nouvelle, peut-être sur Skyrim, ce qui est sorti, ce que j'ai entendu aujourd'hui, problème sur la 360 avec de l'affichage de texte. Il y aurait des problèmes présentement sur la console et sur PS3. Quel genre de problème exactement? D'affichage de texte pendant qu'on joue dans les menus, des trucs du genre, quand c'est pas toutes les Xbox, mais c'est des problèmes qui ont été rapportés à Bethesda Studios. Puis PS3, on a des problèmes de lag, même que des joueurs qui se plaignent que des fois c'est injouable parce que la grosseur de la save game, là, du fichier de sauvegarde est tellement gros que ça fait laguer le PlayStation. Ben ça, en fait, malheureusement, c'est un problème que Bethesda a avec leurs jeux qui sont sur les PS3. Moi, j'ai Fallout New Vegas sur la PlayStation. Même avec une console récente, le jeu a vraiment de la misère au niveau là, du lag, crash souvent. Donc, tu sais, on dirait que Bethesda a un petit peu de misère là, au niveau là, de l'optimisation PS3. Là. Comme j'avais vu sur le site ScrewAttack.com, le commentateur de dire « Bethesda n'a pas l'air de vouloir régler le problème, ça doit être une façon... c'est plus subtil un peu de dire au monde, ben arrêtez de jouer puis allez voir votre famille, ils s'ennuient vous autres parce que c'est très addictif. Faut faire attention au jeu, c'est facile. Oh, je vais juste finir ce petit donjon là. Le petit donjon, des fois, ça peut être 5 minutes pour le finir, puis des fois ça peut être une heure ou deux parce que il y a des affaires. Juste vous donner un exemple juste avant la fin. Moi et deux de mes amis, on était tous les trois vendredi soir rendus à niveau 19. Puis on commence à parler du jeu un peu. Puis si on fait exclusion de la quête principale, qu'on n'était même pas rendu à la même place chacun dans la quête principale, on commence à parler des quêtes et des choses qu'on a vues. Au total, on a fait à peu près les trois, deux quêtes, ou est-ce que les trois, on l'a fait. Sinon, il y a tout plein d'autres quêtes que j'ai découvert qui n'ont pas découvert, que les autres ont découvert, j'ai pas découvert, qu'il y en a deux qui ont découvert, puis l'autre ne savait même pas que ça existait. Des fois, la façon qu'on parle au personnage, on débloque des quêtes aussi, donc ça revient à ce que je disais au début. Voilà. Immense, si vous voulez passer c'est exponentiel. Le jeu. En 50 heures, vous pouvez le faire si vous faites juste la quête principale, si vous embarquez dans tout ce qu'il y a alentour, puis je vous le suggère pour vraiment apprécier le jeu. Là, c'est 300 heures facile. C'est un 60$ très bien investi dans le cas de Skyrim. Juste rapidement, parce que plus qu'on parle de 60$ pour le jeu de Skyrim, juste l'édition collectionneur rapidement. Il est dur à trouver présentement. Il y a encore certains magasins qui l'ont. De mémoire, Future Shop en a encore en stock. Je vais pas faire de publicité pour eux autres, là, juste parce que si vous êtes désespéré et que vous recherchez le jeu, lâchez un petit coup de fil, c'est là que j'ai trouvé le mien. Je vous dirais 159$ que moi, personnellement, je trouve très bien investi. Un hardbook de 200 pages couleur avec les notes de développement du jeu d'une beauté incroyable, DVD de making of que je vous parlais, une figurine de dragon qui, ma foi, a vraiment de la gueule, qui a été faite par ID Factory, qui est une compagnie, dans le fond, qui a quand même une bonne réputation dans le domaine des figurines, surtout dans les figurines de l'animation japonaise. Donc, vraiment, la figurine à elle tout seule, à mon opinion, doit valoir un bon 50$, même 60 à elle tout seule. Fait que je vous dirais là que... Pour les collectionneurs, c'est un must. Exactement. Effectivement, le hardbook, je l'ai vu, je l'ai pas acheté l'édition du collectionneur. Je suis en train de penser voir peut-être à revendre ma copie à moi, à quelqu'un d'autre pour m'acheter l'édition du collectionneur parce que j'ai vu le hardbook. Il est intéressant, c'est vraiment très très beau. Puis il est gros le livre. C'est pas juste un petit livre pas épais, là, c'est une brique. Là, faut se le dire. Là, Papier glacé, couleur. On peut attaquer quelqu'un avec, puis on va sortir gagnant. Excellent. Donc, écoutez, je pense que c'est un must pour tout le monde, pour les amateurs du genre, à acheter Skyrim sur PC, PlayStation, Xbox 360. Un achat à faire pour tous, pour avoir une excellente année de jeu finalement avec Skyrim. Donc c'est déjà la fin de l'émission de cette édition du lundi 21 novembre de Puissance Maximale. Alors on va remercier tout le monde qui était là. Monsieur Andrew Castegan, merci beaucoup. Toujours un plaisir. Merci à Guillaume à la console. Ça fait plaisir. Je chante tranquillement, pas vite, bientôt ça va être Vanessa. Là. Et merci à Vanessa qui est notre stagiaire à la console, si on veut. Et mon nom à moi c'est Mickaël Michaud. Ça m'a fait plaisir d'animer cette émission de Puissance Maximale. On se dit à la prochaine et passez une bonne semaine de jeu. The black light. Let the dungeons and the dragons begin. It's D&D. Fighting with the legends of yore. It's D&D. Never kissed a lady before. Nope. Mm-mm. Woo! All right. Take it home. A little solo for it. One more time. Now the Lord of the Rings, the Dark Crystal and things, we use these as a reference tool. And when we put on our cloaks and tell warlock jokes, we're the coolest kids at the school. No, we're not. I know. Now Tack's a real bastard, but a fair dungeon master. He's got hit points and charisma to lend. And I rehearse in my room, or what I call the dragon's tomb, when I'm not out with my girlfriend. It's the end. Whoa, whoa, whoa, whoa. You got a girlfriend? Yeah. Yeah. No. It's D&D, warriors who terrify. It's D&D, virgins till the day we die.